Devenir parent. Quel bouleversement! Pour peu qu'on s'y investisse, ce métier sans études, sans diplôme, sans même un mode d'emploi, en constante évolution selon les époques, ne se résume pas juste à faire l'amour sans bruit. Il nous prend tout notre temps et toute notre énergie. Je les ai tellement voulu, mes enfants, que j'ai souvent de la peine à être objective dans mon nouveau rôle, à garder une distance adulte, à ne pas me laisser bouffer par mes émotions. Alors, je pars du principe qu'on n'aime jamais trop, qu'un acte d'amour est toujours fondamental. Certes, je manque encore de sérénité. Chez moi, tout se passe au premier degré, sans un gramme d'humour, fourni gratos par Jean-Paul. Un comble quand on connaît sa détresse physique permanente. Où trouve-t-il cette force? Accompagner, éduquer ses enfants, tout un programme dont je ne sais par quel bout le prendre. Quand tout va bien, pas de problème. Côté cajolerie, c'est « piece of cake », comme dirait l'autre. Il est si facile de susciter l'émerveillement d'un enfant, de lui ouvrir la porte de mondes fantastiques, de cumuler les miracles. Il hurle, et peu importe le public, « Maman, tu es géniale !» Parce qu'on a trouvé le truc qu'il cherchait, ou décidé qu'il pourrait avoir autant de gâteaux qu'il arriverait à avaler. 50 000 s'il le voulait. Et quel parent n'irait pas décrocher la lune pour s'entendre déclarer le plus sérieusement du monde « C'est le plus beau jour de toute ma vie !» J'ai adoré ces moments merveilleux, illuminés par l'incroyable grâce des tout-petits. Il en faut si peu pour les faire exploser de joie. Une danse endiablée, une cabane de carton dans le salon, une bataille de polochon, une partie de « Lou, y es-tu » Moi-même, je redeviens enfant quand nous chantons à tue-tête. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir, en gesticulant avec fougue. Par contre, là où ça se complique, c'est dans les rapports conflictuels qui, quoi qu'on en dise, peuvent commencer très tôt. Tous les petits anges ne prenant pas le bon Dieu sans confession. Chez mes parents, le moyen de répression le plus couramment utilisé était le silence. Ah, ces visages fermés! Muet, glacé des adultes. J'ai décidé unilatéralement, devenant mère à mon tour, de ne pas hésiter à m'exprimer, bruyamment au besoin, ce que, pendant les premières années de mes enfants, je mets en pratique chaque fois que je l'estime nécessaire, forte du vieil adage, chien qui aboie ne mord pas. J'espérais que mon entourage comprendrait le message. Ce n'est que bien plus tard que j'ai constaté que ce n'était pas le cas. Mes coups de gueule ont blessé, sans le résultat escompté. Mais à culpa. Devenus parents à notre tour, nous allons tenter d'épargner à nos petits certains des traumatismes que nous avons mal vécus. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, etc. Une fois passée cette période exaspérante où on ne peut pas discuter, où une tape sur les couches, blessant plus l'ego qu'autre chose, empêche la chair de notre chair de se couper, se brûler, tomber par la fenêtre ou dans le torrent, nous essaierons d'élever nos enfants par la parole et par l'exemple, même si cela prend plus de temps et exige une patience décuplée. Pas de folle coche à la Forclaz. Quoique, il m'arrive de déraper, de sentir monter la colère, et je ressens alors une telle violence intérieure qu'elle me fait peur. Et à Jean-Paul aussi. Je n'arrive pas toujours à la canaliser avant que le beurrier traverse les airs. D'où vient-elle? Le silence de mes parents était fracassant. Les châtiments corporels, comme on disait pudiquement, faisaient aussi, comme pour beaucoup d'enfants de ma génération, partie du processus de dressage. Est-ce de là que vient ce manque de confiance en moi et en ma capacité de guider mes enfants? Cette peur atroce de réécrire, de perpétuer l'histoire sur une nouvelle génération? Comment désamorcer la colère? Comment calmer l'angoisse? On n'éradique pas si facilement les atavismes. C'est en parlant avec mon ami amour, en m'extériorisant, en écrivant, que je trouverai mes réponses. J'avais, depuis un certain temps déjà, jeté au loin les béquilles. Alcool, cigarettes, anxiolytiques, aux effets pervers. je les ai remplacées par quelques solutions très simples et accessibles à tout un chacun, parmi lesquelles des cures régulières de tisane de millepertuis, du kombucha au quotidien, vitamine B12 souveraine pour les nerfs, et de tendres bisous devant l'évier. Pendant que je monte chercher notre lait, un soir sur deux, gravissant le raidillon avec mes deux bidons, je repense à ce que Jeannot m'a raconté de ses terreurs de garçonnet. Toutes ces fois où il a renversé son pot de lait en revenant de la laiterie parce qu'il courait, épouvanté par la nuit noire. Il arrivait pourtant qu'une voisine compatissante, et un peu plus pédagogue peut-être, repère le gamin, l'accueille 5 minutes, sèche ses larmes et complète le liquide manquant. Madame Dieu existe pour les petits garçons terrorisés. Autre temps, autre mœurs. C'était une époque où l'on ne craignait pas, pour les casser et les rendre dociles, d'enfermer les enfants à la cave pendant de longues minutes, à moins que ce ne soit des heures, ce qui pour eux revenait au même. La nuit, la peur du loup-garou ou du croque-mitaine était utilisée comme moyen de pression. Beaucoup de parents sabotaient ainsi la confiance en eux-mêmes de leurs propres enfants pour mieux les manipuler. On faisait rimer noir avec peur, puis plus tard avec culpabilité. Pas étonnant alors que le chemin de la laiterie prenne des allures de traversée de forêts hantées, terrorisantes pour le petit garçon qui, depuis, ne supporte plus d'être dans le noir opaque. J'ai souvent, hélas, eu l'occasion de récolter les confidences de ces grands traumatisés qui, toute leur vie, ont craint de descendre à la cave chercher une innocente bouteille de vin ou un pot de confiture. Peu ont la chance d'être nyctalope et d'avoir appris à amadouer la nuit, ayant compris quelque tôt s'y être protectrice. Après tout, si je ne vois pas le monstre dans le noir, qui me dit qu'il me voit, lui? Je constate que si les mentalités ont évolué proportionnellement à la baisse de la natalité, l'enfant devient plus rare, donc plus précieux. Nos réactions primitives conscientes et surtout inconscientes sont fortes. Quand nous sommes allés chercher Charlotte qui n'avait pas 2 ans, dès mes relevailles accomplies, et qu'elle a compris qu'il lui faudrait partager ses parents avec le petit être que je tenais dans mes bras, elle a poussé un tel cri de désespoir qu'il me vrille encore les oreilles aujourd'hui. Charlotte et Thomas sommeillent dans la chambre que nous leur avons aménagée et que j'ai décorée avec amour. Ils sont bien pourvus de tous les soins, tous les câlins. Oui, mais n'y a-t-il pas quelque chose de contre-nature à laisser roupiller un nourrisson et un bébé tout seul dans la nuit immense et effrayante, malgré la veilleuse, alors que le bon sens dicterait qu'ils dorment tous deux auprès de leurs parents, dans leur chaleur sécurisante et leur rassurante promiscuité? Il est déjà si pénible de fermer les yeux, de se diluer dans la nuit. Les animaux sont bien moins compliqués. Pourquoi n'arrivons-nous pas à prendre exemple sur eux? Pourquoi suivre une mode, obéir à une école, alors que c'est notre instinct, appuyé par notre expérience générale, notre sens commun, qui devrait nous guider? Je le sais bien pourtant, moi, qui ai été domptée sur l'air du bon docteur Spock. Laissez hurler votre enfant, vous aurez plus vite la paix. Et à qui ça n'a pas vraiment convenu? De nos jours, nous plaçons la barre si haut, nous nous sentons tellement obligés de prouver que nous sommes compétents, adéquats, que même la parentalité est transformée en performance. Or, dans la majorité des cas, une grossesse résulte au pire d'un accident, au mieux d'un choix guidé par nos hormones. Et débrouille-toi avec ça! Les toutes premières années de mes enfants, je les qualifie parfois d'années moroses. Autant pour eux qui doivent apprendre à faire des deuils permanents, papa ou maman s'en va, créer des précédents, papa ou maman revient, gérer des frustrations, non, ce n'est pas l'heure des bonbons, que pour nous qui devons les soumettre à un ingrat conditionnement pour les adapter à la société dans laquelle ils vont devoir vivre. J'ai des schémas très rigides dans la tête en ce qui concerne l'éducation des enfants. Non veut dire non et doit rester non. Mais Jean-Paul m'apprend à réfléchir, à ne pas s'être borné et à être capable de changer d'avis sans fausse pudeur quand les circonstances le justifient. Si l'enfant peut argumenter sa demande de manière intelligente, pourquoi ne pas lui donner raison? Et quand nous lui refaisons quelque chose, à nous d'être cohérents. C'est ainsi que nous n'avons jamais eu 3 devant les caisses des supermarchés à la grande crise de l'enfant frustré. Je découvre à quel point il est difficile d'accompagner nos mômes avec assiduité. comme je comprends alors à la millième fois où je laisse tomber d'un ton là. « Ne touche pas à ça. Ôte ça de ta bouche. Lâche ça tout de suite. » Comme je comprends tous ces hommes, toutes ces femmes, qui retournent en courant au travail, même s'ils le détestent, après leur congé maternité. On choisit son époux, mais pas à ses enfants, dit-on. Ces petits êtres, pourtant sortis de mon ventre, deviendront de parfaits étrangers dès qu'ils auront leur conscience propre. Et leur père et moi, qui aimerions tellement leur transmettre tout ce qui nous passionne, qui souvent ne les intéressera pas du tout, allons trottiner quelques années à leur côté pour leur apprendre à devenir une femme et un homme. Puis nous les regarderons s'envoler sans avoir aucune prise sur la direction du vent. Nous savons déjà que nous avons intérêt à savoir quoi faire de nos vies ensuite. Et pendant tout ce parcours du combattant, il y aura eu les rires, les jeux, les apprentissages et une infinité de bons souvenirs, comme celui-ci de papa qui dit à Thomas « Ton côté casse-bonbon, c'est inné ou c'est acquis ?» Et Thomas de répondre « C'est à moi !» Les apprentissages chez nous sont prioritaires. Chaque fois qu'un enfant montre le plus petit intérêt dans un domaine quelconque, nous mettons tout en œuvre pour le stimuler. Son père ou moi consacrons autant de temps qu'il le faut pour l'aider à atteindre ses objectifs. Ainsi, Jean-Paul travaillera le dessin et la peinture avec Thomas, pendant que je lui apprendrai le moment venu à faire de la pâtisserie ou à se servir de mon ordinateur. Charlotte, de son côté, développe très tôt un solide sens pratique et m'épatera souvent, que ce soit dans la réalisation d'une recette de cuisine, d'un bouquet de fleurs ou d'une couronne de l'Avent. À cette époque, il s'intéresse à tout, y compris à faire fonctionner un aspirateur. Et les moments de lecture, à l'heure du coucher, sont un moyen précieux d'éveiller leur intelligence. Je suis mère et j'apprends l'abnégation et l'amour inconditionnel, donné sans attente de retour. Au final, je suis déçue en bien, comme on dit chez nous. J'ai plus d'échanges affectifs avec mes enfants que je ne m'y attendais, et de surcroît souvent l'impression de recevoir bien plus que je ne donne. La douceur des joues de Thomas, par exemple, véritable caresse sur mes lèvres chaque fois que je l'embrasse. Le sourire radieux de Charlotte quand elle se sent aimée. J'ai apprécié cette période où nous sommes tout pour eux, leurs seules et uniques références, et où ils se donnent sans calcul. Mais j'ai pris aussi conscience qu'ils sont de véritables éponges, fragiles, manipulables, influençables, et compris à quel point il serait facile d'en abuser. Je reste vigilante. Nous sommes seuls sur nos hauteurs, face aux vaches étiquetées de jaune. « Oh, regardez, papa-maman, ils ont déjà mis le prix dessus !» Face à nous-mêmes, notre orgueil, nos espoirs, nos conditionnements, nos habitudes, nos envies, nos besoins, nos angoisses, nos regrets et nos traumatismes. En clair, notre humanité. Notre amour mutuel et notre foi nous portent. C'est encore loin, mais un jour, nous quitterons cette enveloppe de parents, nous nous retrouverons seuls, tous les deux, du haut des origines alors transformées, mais tellement plus consistants et accomplis. Le train sera passé, la gare subsistera. Plus vraiment la même, pas encore une autre. Alors, nous réinventerons notre couple et le nourrirons gaiement de nouveaux projets, comme ce livre que vous tenez entre les mains.